l'année à bana fiesta. Ma posse canapé ba kobola. Na kumbana na vis-à-vis. Na petit moi boyoka. Na kumbana na vis-à-vis. Na petit moi boyoka. Fiesta, la posse canapé va copola, la kumbana na vis-à-vis, la petit moi boyoka, la kumbana na vis-à-vis, la petit moi boyoka. La kumbana na vis-à-vis. Na petit bois boyoka, na kumbana na vis-à-vis, na petit